Il parle de rap et moi de ma life. Mec, j'ai tout misé là-dessus. J'aurais dû te laisser me battre en clash ou même viser ma dessus. Si c'est mon choix, tu vas la rage. Et me dire que j'ai pas de thune, je te cache pas que parfois j'ai la rage. Ne me dis pas que je tue. Oublie les vers, c'est les 16 pour percer les idées de faire un CD lay impersonnel. J'en parlerai à ma psy quand je la verrai. Elle restera silencieuse, me dira que merci quand je la paierai. Les relations humaines sont des leurs. Ne parle pas de traite devant les tiens qui souvent sont des leurs. Assis devant l'éternité, je défie les heures. Et puis les âmes défilent vers une vie qu'on dit meilleure. Le soleil brille mais ne me chauffe plus. Il n'y a que le stress qui peut faire que mon crâne chauffe dessus. Je me sens inutile comme ceux qui votent plus. Pourtant j'ai le style qui pourrait faire que tous les votes puent. Aujourd'hui je reste un gâchis pour les gens. Attaché au présent car j'ai le passé pour les gens. Agacé par mes chants, mettre des bâtons dans les jambes. Me traite, me salissant, me disant c'est pas méchant. La vie me presse, vers un succès alléchant. Alors je rime presque au radar vu que j'ai pas les plans. Un suspense pour ma part, mon film est à l'écran. Une intime scène où j'apparais filmé par les anges. Quoi ton pas, je tire tout droit et j'esquive la merde. Envoie les punchlines, tout va depuis que j'ai tout à perdre. Non, ne va pas croire que faire du rap match. J'attends la fin du match, le score n'est pas encore statué. Peu importe le moyen, je vise le résultat. Et je perds mon équipe à chaque seconde où je ne recule pas. J'écris les textes de génie selon toi. Alors faudrait peut-être qu'un jour la chance atterrisse sous mon toit. Ouais, je suis pas sûr mais faudrait pas pousser mes limites, je les sens et j'en aurais tant que j'aurais pas tout fait. Le CV de nos cœurs ne peut plus s'étoffer. Je respire une odeur qui voudrait m'étouffer. Je suis perdu dans ce monde, gaz naufragé à compter les secondes comme le nombre de mes années. Ce soir je défie les hommes que les lâches m'épargnent. Je me méfierai des autres tout comme Jacques Shepard. Je suis naturel, le reste c'est que du baratin. Ils pissent sur nos tables, là tu espères qu'on se barre enfin. Ils disent qu'on est dead et que c'est déjà la fin. Donc je brise dans mes têtes ceux qui pensent que je serai pas là demain. Je n'en plus les perchés sur un élastique. J'ai là j'attends que l'on m'adule ou qu'on m'appelle Arctique. J'écris même plus mes textes mais c'est tombé dessus moi. Je rappe depuis des siècles, je compte même plus. Le même scénario en boucle où je passe du tout au rien, du rien au tout et du tout au tout. Bordé par des rêves, le sommeil vient vite. Moi j'attends qu'on me réveille ou que le game m'invite. C'est sur moi jette, l'ego jette tout ça. Je parle à ceux que j'aime et j'ai le cœur, mes mots les foudroient. En scratch j'ai déjà parti. Ma vie un concert de projet avec la misère en première partie.